D'abord, il faudrait que vous fassiez plus attention à votre présentation. Essayez de changer de coiffure, de porter des vêtements moins stricts. Oui, vous avez peut-être raison, mais c'est difficile. Je vous conseille aussi de changer de lunettes. Celles-ci vous donnent un air sévère. Vous pourriez porter des lentilles de contact, peut-être. Oui, je pourrais essayer. Et pour le reste?